Et donc Moïse nous a trompés. Moïse nous a fait croire pendant les siècles que l'intouchable, l'éloigné, le père qui est au-dessus. Non, c'était valable pendant une période. Il y a une période de changement, de dispensation. Et changement d'opération dans la divinité. Et Jean était le messager chargé de préparer le peuple. Une chose si grande qui va bouleverser la foi de plusieurs. L'ancestral de plusieurs. Il devait être accompli par un homme qui est un prophète. Et même plus qu'un prophète. Il fallait être plus qu'un prophète pour réussir la mission. Parce que tous les prophètes qui sont venus après Moïse ont prophétisé dans la même pensée, dans la même croyance, en gardant la même ligne. Les 40 que Dieu est son peuple. Mais l'un vient. Pour présenter le Dieu d'Israël, est devenu un homme à son peuple d'Israël. Et dire aux gens, il fallait beaucoup d'humilité. Amen. On vous dirait, mais il est venu bouleverser notre réalité. Nous avons toujours cru et on nous a toujours fait. Les choses de Dieu vont passer comme ça. Écoutez, Dieu viendra lui-même pour vous sauver. Et pour ça, il entrera dans son temps. Et tout œil soudain verra la gloire. Miséricorde. Tanga. Il ramènera les cœurs de paix. Les anciens. Les pères patriarches. Au message des enfants. Qui formaient la nouvelle génération. Jésus dans cette génération-là. Avec Jésus au centre de cette génération-là. Il doit ramener la foi, le cœur des patriarches, à identifier et recevoir Jésus. Et le reconnaître comme Dieu. Après tout, quelle mission? C'est comme bouleverser la croyance millénaire. C'est comme bouleverser la croyance millénaire. Et ensuite, et puis il dit, c'est une conjonction. Conjonction qui réunit cela. Ramenez le cœur des enfants à leur père. Ce qui signifie, suivez, que le message d'aujourd'hui ramènera le cœur des enfants dans l'âge de l'église, à la fois originale de la pensée du commencement. Est-ce que vous réalisez que ce passage, dans le verset 6 de Malachie, quand je dis qu'il ramènera le cœur de père à l'aise, les pères là dont il est parlé ne sont pas les mêmes que dans la deuxième partie du verset. Quand il dit le cœur des enfants à leur père, le père là, de la première partie du verset, ne sont pas les mêmes pères que dans la deuxième partie du verset. Et pourtant, selon la langue française, il s'agit de père pluriel, c'est comme si c'est la même chose. Et les enfants qui sont mentionnés à la première partie du verset ne sont pas les mêmes enfants qui reviennent dans la deuxième partie. C'est deux enfants différents. Mes chers amis, soyons sérieux. Dans 1 Jean 2, 12 à 14. Ici nous sommes au temps de Jean, plus Jean-Baptiste, mais Jean l'apôtre. En Jean 2, 12 à 14. Je vous écris, petits enfants. À cette époque déjà, dans cette génération à laquelle il s'adresse, où Jésus était déjà fait mention, Jésus était déjà venu dans cette génération, il a fini sa mission, il est passé. Jean écrit à cette génération. Êtes-vous là? Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Bana na jali kufanya la bino pote masumu na bino masini kulimbi sama tayi na bino kuna kumbu na yeye. Je vous écris petits enfants. Il y a des petits enfants. Vous allez na bana mike. Auquel le Saint-Esprit s'adresse. Oh, mon Dieu, le Saint-Esprit pour le dire à Bango. Il existait à cette époque où ça. Alors, on a dit la tango, on a vendu kukuma. N'est-ce pas? Eli. Amen. Et je vous écris père. Il y a aussi des pères. Vous allez faire votre père. Auquel l'Esprit s'adresse toujours. Vous trouvez et le Père et les enfants mélangés ici. Vous les trouvez ensemble. Réconciliés dans une même foi. Et le Père et les enfants croyant la même chose. Vous allez le remarquer ici. Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Des pères qui ont connu celui qui était dès le commencement et des enfants à qui leurs péchés ont été pardonnés. C'est plus profond que vous le pensez. Batata, Azali Kokovela Bino Poche, Bosini Poye, Baye, Azali Longona, et Bandali. Le pardon de leurs péchés. Bana Bazati, Kolindi Samamasum Nabango. C'est-à-dire ceux qui ont cru au message messianique. Tel que Jean-Baptiste a préparé les gens à le recevoir. Ceux-là ont reçu le pardon de l'Esprit. Et le Père, ceux qui étaient pères, à cette époque, ont connu celui qui était dès le commencement. Ils ont reçu la révélation de celui qui était dès le commencement. Parce que le même Jean a dit dans Jean 1. Le commencement était quoi? Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Et celui qui était la parole. Donc celui qui était dès le commencement. Qui était la parole. Est devenu un homme. Et il a habité parmi nous. Et maintenant, le Père a connu celui-là. C'est celui qui était dès le commencement. En tant que parole, qui est devenu un homme. Eux en ont reçu la révélation de qui il est. Et qui était le premier d'entre eux à recevoir cette révélation? N'est-ce pas que c'est Pierre? Vous avez dit justement le fils de l'homme? Vous avez dit que vous avez dit les amis. Jean et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'était par révélation qu'il a reçu cette connaissance. Et Jésus a dit, ce ne sont pas la seule épreuve. Ils vont se connaître. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre a reçu révélation de celui qui était télécommandant. Et Jean le compte ici parmi les pères de la nouvelle foi que Dieu enseigne à son peuple. Dieu devenu homme. La divinité dans la chair. Il faut croire ça et croire. Et Pierre était l'un des pionniers à saisir la révélation. Jean dit, je vous écris père, parce que vous avez connu celui qui est de la commencement. Et je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le monde. Et je vous écris, jeune Jean, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Bana, la sini kokomela bino poche, bo sini poyeba tata. Philippe n'a-t-il pas dit, montre-nous le Père, ne t'est-il pas une affaire pour la France? Il a posé la question, lui dit, montre-nous le Père. Mais le Père s'était déjà révélé à Moïse. Les ancêtres connaissaient que Moïse a parlé de Jéhovah le Dieu d'Israël. Il était le Père d'Israël. Mais quel Père Philippe cherchait-il? Et quand Jésus répond, il n'a pas renvoyé Philippe au mont Sinaï. Mais il a indiqué à Philippe ce que lui Jésus-Christ était. Philippe, un enfant, Philippe Moana, des ancêtres d'Israël, des patriarches d'Israël, reconnaître le Père. Et Jésus répond, c'est celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père que vous voulez connaître, c'est qui? C'est-à-dire le même que vos ancêtres ont connu dans les buissons maintenant, au sommet de la montagne, même se tient ici dans la chambre. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père, car moi et le Père, nous sommes un. Philippe a reçu aussi cette révélation. Et il est devenu parmi les premiers à connaître cela dans sa génération. Et il pouvait enseigner ça aux autres. Donc dans un sens, à une étape, Philippe et Pierre étaient des enfants des patriarches. Ils avaient enseigné une croyance. Mais quand le nouveau message me sonnait, ils se sont humiliés pour apprendre. Et parce qu'ils ont été les premiers à l'apprendre, eux qui étaient les enfants ont été élevés au rang de père pour la foi apostolique. Ils étaient des enfants par rapport au patriarche d'Israël. Mais ils sont devenus les pères de la foi chrétienne. Est-ce que vous saisissez? La foi de leur père, ou la foi de leur père, maintenant, on l'a qui était les enfants, ont été élevés au rang de père. Pour la nouvelle foi que Dieu a fait. Jésus-Christ est venu transmettre au Seigneur. Et ils sont connus de père. Et ils sont connus de celui qui était dès la commencement. Êtes-vous là? Amen. Et pourtant, eux-mêmes aussi, en tant qu'enfants, à cause du nom de Jésus-Christ, auquel ils ont cru, ils ont reçu le pardon de leurs péchés, chose que la loi ne donnait pas mieux. Telle que c'était enseigné depuis les temps de patriarches, les sangs de boucs et de taureaux couvraient seulement le péché. Ils ne pouvaient pas ôter le péché. Mais le sang de Jésus-Christ, comme ses enfants de ses ancêtres, ils sont capables de prier le péché. C'est ça, c'est même ça. Et eux qui étaient les enfants de ses ancêtres ont cru ça pour recevoir le pardon de leur péché. À cause du nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Que Dieu t'éclaire, et ouvre l'écriture pour toi. Comme ça, quand tu vas aller manger dedans, tu vas festoyer avec lui. Quand tu vas méditer de nouveau ça, je dis que le Saint-Esprit loigne encore sa méditation. Dans le secret de ta chambre, même au salon où tu seras là-bas, pousse le cri de joie, lorsque la chose s'ouvrira encore. Il dit ceci. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que nous avons vaincu le malin. Ils étaient les enfants Ils sont devenus jeunes dans la foi. Ils sont arrivés au rang de père pour la génération future. Pour l'église chrétienne. Et ils sont les pères de l'église. Eux qui étaient les enfants des patriarches. Oh, ça fait bien de croire, de suivre la voie de Dieu. Hein. D'être connecté à Dieu. Allons-y. Je vous écris, petits enfants. Je suis là au verset 13. Dernière phrase. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Rapprochez les deux pensées. Les pères ont connu celui qui était dès le commencement. Et les enfants ont connu le Père. Les pères ont connu celui qui était dès le commencement. Le Père de l'Église. Le père de l'église chrétienne. Ils ont connu celui qui était depuis le commencement. Qui était la parole. Qui est devenu un homme. Et les enfants ont connu le père. Les enfants des patriarches ont connu le père que leurs ancêtres avaient connu. En tant que premier-enfant. Les enfants l'ont connu en tant qu'homme. Amen. Le même Père qui était dès le commencement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était dans le buisson, le puissant Seigneur au Père, le même Dieu là, est devenu homme, et leurs enfants Pierre, et les autres ont connu le Père. Amen. Le même Père. Tata, vous voulez mon coup? Vous voulez mon coup différemment. Bah, il est bien, dans le Fils. Tati, le moine. En tant qu'homme. Le coup la moto. En tant que sauveur. Le coup la moto ici. Ils l'ont connu. Bah, bah, le même que leur Père aussi. Tata, la bango va y bâtir. Le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Le Jésus-Christ dans les. Le père qui était mort, le patriarche, ont connu Jésus-Christ. Mais leurs enfants l'ont connu. Et en tant que père. Alors que le père, quand il lisait les promesses, il s'attendait à la venue d'un fils. Un enfant qui allait naître. Et ça, il avait dit, les autres prophètes l'ont promis. Il s'attendait à un fils qui allait. Et ils sont morts, croyant comme ça. Mais après leur mort, on s'est marqué par Dieu. Mais après ceci, il devait s'accomplir. Celui-là qui était annoncé comme ça. Le même Esaïe avait dit, on appellera son nom, Père éternel. Père éternel. Père éternel. Et c'est ce que leurs enfants ont connu. Et en recevant les premiers sept connaissances, que les pharisiens n'avaient pas, que les pharisiens n'avaient pas, que les prélèves n'avaient pas, que les chrétiens n'avaient pas, que les chrétiens n'avaient pas, que les disciples du Seigneur, qui ont cru Jean-Baptiste, qui ont reçu le Messie, ont reçu cette connaissance. Il n'y en avait pas dans les écoles théologiques. Il a révélé à ses enfants. Il a caché aux sages aux évêques. Il a révélé ça à ses enfants. Ils ont bien voulu l'apprendre. Et à qui il a appris ça, au rang de père. Êtes-vous là? Vous allez là? Alors, quand ils ont bénéficié du ministère de Jean-Baptiste, Pierre, Pétéro, Philippe, Jean, les disciples, les apôtres, quand ils ont bénéficié du ministère de Jean-Baptiste, ce n'était pas en tant que père, c'était en tant qu'enfant de patriarche. Est-ce que vous suivez? Et la foi, le cœur de leur père, a été ramené à leur foi. C'est la même foi. Ils identifient celui qui était dès le commencement. Celui qui agit dans tout l'Ancien Testament. Celui qui s'éteignait physiquement. Il y a tellement de choses que vous avez besoin de vous. La continuité dans la révélation. Pas dans la tradition. Mais dans la révélation. La tradition les a égarés. Parce qu'ils se sont arrêtés à Moïse. Ils ont placé en lui toute leur espérance. Et pourtant Moïse avait annoncé un prophète comme lui. Et ce prophète là comme Moïse devait être Dieu et la chair. Et quand il viendrait, ce qui avait sur Moïse devait écouter ce prophète. Mais voilà que ce prophète est venu. Et l'on rejeté. On a comme des pères de l'église. Des incrédules. Alors Dieu s'étendait ça. Ne prétendez pas dire en vous-même. Vous avez Abraham pour vous. Vous avez Abraham pour la tata. Jean-Baptiste était le premier. Si Dieu vous pour si vous n'êtes pas capable de vous dire, vous êtes ce que vous demandez être. Vous êtes en susciter d'autres. C'est votre système. Ils seront des vrais enfants. Et qui apprendront la révélation de Dieu. Et Dieu l'a fait. Hors des Parisiens, hors des Parisiens, il a suscité un peuple. Des gens qui n'avaient même pas étudié. Un analphabète. Mais c'est eux qui sont devenus les pères de l'Église. Quel renversement. Les ont été abaissés. Les palais ont été exaucés. C'était la venue de Jean-Baptiste. Les premiers sont devenus les derniers. Et les derniers sont devenus les premiers. Béni soit le Seigneur. Comme Dieu est fidèle. Jésus-Christ est venu s'adresser aux mêmes incrédules. Il y avait cette patriarcale. Il est radis. Vous avez pour faire le diable. Si Abraham était vous feriez le diable. Vous cherchez à me tuer, mais Abraham, il n'a pas fait. C'était ce que Dieu les a déclarés. Il a suscité une génération de jeunes hommes. De ces enfants-là méprisants. Qui ne semblaient pas maîtriser la théologie. C'est une considération à l'égard. Vous serez des servis de papa. Dieu les a élevés au rang de pères. Ils sont devenus les pères de l'Église. Qui ont reçu le pardon de leurs péchés. Qui ont connu celui qui était dès le premier. Pendant que les rabbins continuent à s'attendre à lui. Mais eux, Pierre et les autres, voyaient la Bible manifestée. Les écritures accomplies. À leur temps. Le message de leur. Gloire à Dieu. Êtes-vous là? Ils ont connu le Père. Et ça fait du bien. Je vous ai écrit petits enfants. Parce que vous avez connu le Père. C'est vrai. Verset 14. Je vous ai écrit Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure à vous. Pourtant Jésus a dit aux rabbins juifs, vous ne voulez pas comprendre mon langage. Parce que ma parole, parole qui n'a pas pu demeurer dans le vieux rabbin juif, il est accroché à la tradition des anciens. Et le prochain monde des disciples de Dieu de transgresser la tradition des anciens. Il avait une vision traditionnelle de Dieu. Il ne voulait pas changer. Mais Jésus leur a dit, mais vous voulez condamner les innocents pour rien? Tradition des anciens. Non. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles villes. Il faut des outres neuves. Comme ça, la nouvelle doctrine. Voilà. La nouvelle révélation. Le message frère du Seigneur. Nous place dans le cœur nous. Alors les rabbins écartés. La vision mosaïste des choses. La vision traditionnaliste des choses écartées. Il est enfants. Qui n'était rien aux yeux de ses élèves. Il a au rang de père de la famille. Il a de Dieu. Je ne pas changer la situation. Je ne considère pas ce qu'on dit de toi. Je ne considère pas ce que Dieu veut faire de toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Aïe, foi et avance. Il n'y a pas de bouvard, on rafraîchit. Mon frère, aïe, foi et avance. Je vais t'appeler pour un but. Il a un dessin clair. Il est parti de ce dessin. Que Dieu bénisse ta foi. Que tu vois plus clair que ça. Écoutez la parole. Je vous ai écrit père, parce que nous avons connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Amen. Et que vous avez vaincu le malin. Amen. Amen. Retournons maintenant à la question-réponse où nous étions. La question-réponse du 30-34. Donc c'était la question 424. Je le paragraphe 154 et je dois continuer le paragraphe 160. Écoutez, tu pourras demander si Élie de Malachie 4 là, il a ramené le cœur de père à les enfants à leur père. Est-ce que la même personne? Est-ce que la matière est encore là? Voilà. Et il a dit oui, c'est la même personne. Très bien. Hein? Non. Pardonnez-moi, je suis le premier. On avance, non? On arrive au paragraphe 159. Vous remarquerez, pour rendre cela clair maintenant. Mais la façon dont le Saint-Esprit a écrit cela, il ramènera d'abord le cœur de père aux enfants. Voyez-vous? C'était la première venue des gens. Il ramènera le cœur de père. Les anciens, les pères patriarches, au message des enfants, qui formaient la nouvelle génération pour les peuples, Jésus dans cette génération-là. Ensuite, et, toujours venu les prophètes de Malachie 4, et, deuxième partie de la mission, le cœur des enfants à la fin. Ce qui signifie que le message d'aujourd'hui hein, ramènera le cœur des enfants dans l'âge de l'Église à la foi originale de la Pentecôte du commandement. Là, le deuxième volet de la mission de Malachie 4. On a été mis à ce qu'on a salé à Malachie, miné, concerne le message d'aujourd'hui qui passe du temps de Jésus. C'est le message d'aujourd'hui. Et nous, la génération actuelle, concernée par ce message-là, nous ne sommes pas des pères, mais nous sommes les enfants des pères apostoliques. Qui ont reçu la révélation de qui était le qui ont reçu la révélation de qui était le Père? Ceux à qui le Fils a voulu le révéler. Personne ne connaît le Père. Personne ne connaît le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Alors Pierre a reçu la connaissance du Père. Et Philippe a reçu la connaissance du Père. Et Jésus-Christ est celui qui a montré à Philippe qui était le Père. Tata Valaki Nani. Oui, c'est lui qui m'a vu à moi. Crois-moi, je suis dans le Père. Et le Père est à moi. Tata Kati Nangai. C'est vous là? Vous avez là? Et ces deux-là, avec les autres, sont devenus le Père à la foi chrétienne. Ils ont enseigné ça à l'église, ils ont évangélisé les gens. Et au temps de la fin, il y a un élu qui doit ramener les enfants qui sont nés de ça. Bah, non, bah, et qui s'étaient égarés de cette foi-là, ils doivent les ramener à la foi de la Pentecôte. C'est clair? Oh, double mission de Malachie. Oh mon Dieu. Il dit, il prend maintenant le je prends le proverbe 160. Ainsi, ce sera très différent. Concernant les élus de Malachie 4, 5, 6. Ce sera très différent. Suivez. C'est le même messager. C'est le même messager. Mais il y a là une différence entre la première et la seconde venue de Jean ou du messager Elia. Suivez bien. C'est le même messager. Il s'appelle dans Malachie qui? Est-ce que là-bas il s'appelle Jean? Dans Malachie 4. Est-ce qu'il s'appelle Branham là-bas? C'est le même messager. L'esprit de lui donc. Le même esprit de lui. C'est le même esprit de lui. Le même messager. Mais quant au physique, ce n'est pas la même personne physique. Mais quant à l'esprit, c'est le même esprit. Amen. C'est le même messager. Et il y a là une différence entre la première venue et la seconde venue de Jean. C'est comme si Jean Ayaki mbalali boso, ja yango pe fala ya soso mbalami bali. Or soko zampongo, o soso liete ja o yaka mbalali boso, Jean Baptiste. Ja o yako ya mbalami bali, e ja o ya yoka kike, pe la moko natinda ka Jean Baptiste. Ko bongi saboye ali boso, natindi yo. Parce que Dieu l'a comparé à Jean. Jean, la sofa yi katina yoane. Amen, amen. Et si Jean-Baptiste était plus qu'un prophète, c'est lui du dernier jour qui est plus qu'un prophète. Amen. C'est Dieu lui-même qui s'en parle. Et qui s'établit. Et si Jean-Baptiste était un prophète, c'est lui du dernier jour qui est plus qu'un prophète. Amen. Est-ce que c'est pas le bon moment? Oui. Je suis très sérieux. C'est vrai. C'est le même messager. Mais il y a là une différence entre la première venue et la seconde venue de Jean ou du messager Elia. Donc si Jean Baptiste a marché devant lui dans l'esprit et la puissance d'Elia, c'est lui du dernier jour qui a aussi marché devant Dieu dans l'esprit et la puissance d'Elia. Luc 1, verset 17. Vous êtes à l'aise, hein? Il n'y a pas de soufflement. C'est facile. Luc chapitre 1. Le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur de père vers les enfants. Qui a dit ça? Parce que la mission est accomplie. Mais maintenant de ramener le corps des enfants à leur mère. Ça n'a pas été par Jean. C'est par l'Élie du dernier jour. Je vais lire encore dans l'alliance confirmée d'Abraham. Du 10 février 1900. Les paragraphes 33 à 40. Cette fois-ci, je vais aller plus vite. Parce que la base est bien posée. Et vous naviguez à l'aise. Je suis vendredi, pongo tango ali agacha kama makeleli. Hein? Pongo voli akakou. C'est la nourriture officielle que le Père t'a donnée. Zala Saïsa. Zala Saïsa. Zala Saïsa. Hein? Il faut un peu ça. Et Branham a dit, enterrons toute église sans émotion. Il n'a pas décrit. Tout le monde. Le tabernacle, et lundi, il va crier des joies et tout. Allez, tout le monde. On va vous enterrer. Très bien. Il faut garder la position. Nous sommes pour la vérité. Vous allez voir la fin de la fin. L'alliance confirmée d'Abraham. Nana Salembi. Esprit dénominationnel. Wapie. Nana Salembi. Mitalisa. Esprit dénominationnel. Encore qu'on a eu bilan, il y a un pongo. Jamais. Ah, ça, c'est mouké. Mouké, pongo. Pongo, y est-ce qu'on dit gibier, à quoi l'ingali en moubimba. A pandeli en moubimba. C'est bien. Amen. Amen. Vous allez prêter votre nom d'abri. Alors, il dit ceci. Ainsi, vous remarquerez dans Malachi, le dernier prophète. Dans la dernière partie du chapitre 4, il a dit, avant que le jour grand et redoutable de Dieu arrive, je vous enverrai Élie le prophète. La remarque est claire? Vous l'avez remarqué déjà? Vous venez de lire, non? Alors, maintenant, observez. Et il ramènera le cœur des enfants. Le cœur des pères aux enfants. Et le cœur des enfants au père. Deux choses, non? Double mission. Maintenant, si vous observez bien, les disciples lui ont demandé quand est-ce que ces choses se produiront. Pourquoi dit-on qu'Élie doit pénétrer? En Matthieu 17, verset 10, les disciples ont posé une question. Il a répondu, il est déjà venu. Jésus a dit, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. Ils comprirent alors qu'il leur parlait de So, il a été venu. Il ramène le cœur de père qui introduit la divinité dans la chair. Il a présenté le Messie à Israël. Il est venu homme. Il demandait à tous de se repentir et croire. D'abandonner leur voix, leur tradition, de croire à la voix de Dieu. Il l'a fait. Et les enfants se sont identifiés. Il était l'Élie, c'est vrai. Mais observez. Il y a là une double venue. Dans la dernière partie du chapitre 4 de Malachie, il y a une double venue d'Élie. C'est un prophète qui vous explique. Si tu ne veux pas ça, va dans les écoles de théologie. Va chez les humanistes et demande que ça veut dire quoi. Va chez les musulmans. Va chez les catholiques. Tu ne veux pas ça. Mais Dieu ne fait rien. Sans révéler son secret. Bien que c'est délicat, que ça concerne l'homme même. Il n'y a pas d'autre choix. Comme au temps de Jean-Baptiste, nous devons accepter. Jean devait expliquer le verset qui le concernait. Jésus-Christ a présenté le passage qui le concernait. Luc 24, le verset 29. Il a parcouru les psaumes et tous les prophètes. Et il a montré les passages qui les concernaient. Ce n'est pas un problème. C'est la manière dont vous devez faire les choses. Nous n'allons pas prendre l'explication d'un individu qui raconte ces choses. Il y a un prophète confirmé. Il dit, il y a là une double venue. Ça ne pouvait pas être le véritable Élie qui était censé venir. Ça ne pouvait pas être le véritable Élie qui était censé venir dans le contexte donc de Malachie 4, où le monde doit être détruit après, où Jésus donc cet Élie là devait venir au temps de l'heure. Ce n'était pas Jean-Baptiste. Donc le véritable Élie. C'est pour ça que lui-même a dit, on lui a demandé, est-ce que Élie dit non, je ne suis pas. Il a dit non, je ne suis pas. Oui, il était la voix de celui qui criait. N'empêche. C'est bien. Ça ne pouvait pas être le véritable Élie qui était censé venir. En effet, quand cet Élie vient, c'est à ce moment-là que Dieu va brûler la terre. Et que les justes vont marcher sur les cendres de l'Élie. Cela devra être ça. C'était le messager du chapitre 3. Si j'envoie mon messager de l'Élie, ça c'était Élie. Et remarquez ici, le premier Élie qui devait venir, c'est lui qui devait ramener le cœur des enfants au Père. Plutôt, le premier Élie qui devait venir, c'est lui qui devait ramener le cœur des enfants. Voyez les vieux pères. Ramenez le cœur des pères aux enfants. Voyez les vieux pères. Les patriarches. Les vieux orthodoxes. Les légalistes. Ils ont la vision mosaïste. Les légalistes. Alors, il a ramené la foi des pères à celle-là. Il a ramené leur cœur aux hommes. Ce nouveau message que Jean prêchait. De la venue du Messie. D'accord? Amen. C'est à cela qu'il a ramené leur cœur. Est-ce que les enfants devaient croire ce que le Père avait espéré? Dieu l'a accompli en envoyant son fils. Ce fils-là était le Père devenu. Mais observez la prochaine fois que Jean apparaît. Bon, après cette première apparition de Jean. Je suis bien encore. Mais observez la prochaine fois que Jean apparaît. Frère Branham revient encore au langage des gens qui apparaissent. Vous aider à identifier le messager de Dieu avec celui qui était venu avant la première venue. Il dit, Jean il a fait ça, il a ramené le cœur de Père. Jean-Baptiste a-t-il fait? Maintenant. Observez la prochaine fois que Jean apparaît. Il ramène le cœur des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Jean-Baptiste du dernier jour. Jean-Baptiste attend mon avis sur vous. Amen. Donc, à mon anine balami balé, pour nous rejoindre dans le thème Yabana, Nakondi Mayaba Tata et Pentecôte. Est-ce que tu saisis quelque chose là? Je ne comprends pas le comment quoi. Écoutez maintenant. Je vais vous dire une chose ici. Armez votre entendement. De la même façon que les Juifs de l'époque de ont répondu en disant que Jésus était Jean-Baptiste. De la même façon, nous, au temps de la fin, nous devrions voir dans ce Jean des derniers jours le Fils de l'homme manifesté. Nous, on a la montation pour nous, les femmes. Nazongi là. Quand vous êtes surtout là, il y a Matthieu chapitre 16. Verset 13. Qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Dans les réponses, ils ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ils nous ont fait du Fils de l'homme Jean-Baptiste. Ndenge pe biso parce que tout est écrit est inspiré de Dieu. Na tango ya biso. Tango balaki biso Jean oyo akomona na wa, c'est l'esprit de lui qui doit être. Tokomona na zela ministère le tomo na ye mwana na moto ya ligue de 730 manifeste toko so solité tango bozonga repasse la bande wana yoka na bible tombola maboko fugama sambela nzambe pesa ngai profondeur awa je veux manger ndenge pongo aliak. Je dois parvenir pour faire mon maquillage. À la gloire de Dieu, comme le psalmiste David a dit, c'est ça le joyeux pour le Seigneur. À cause de sa parole. Observez, la prochaine fois que Jean apparaît, il ramène le cœur des enfants à la foi de Pentecôte. De la Pentecôte. Tout est là. Ainsi, ce sera le retour au message originel. Et vous saurez, vous comprendrez lorsqu'on y arrivera. Frère, nous y sommes déjà. Vous avez déjà compris. Parce que cette citation, nous la lisons après l'autre. Ce sera un rétablissement afin de ramener cette église à la foi originale de jadis. Une fois de plus, oui, vous comprendrez quand nous y arriverons. Mais vous et moi, nous y sommes déjà. S'il vous plaît, ne refusez pas de comprendre. Comprenez. Et il sera loin pour le faire. Lorsque cet Élie viendra, il sera un prophète. Mais c'est lui qui vous parle ici, c'est lui. Ce n'est pas facile de parler de soi-même. Écoutez, il dit simplement, lorsque cet Élie là viendra, il est aimé qu'il sera un. Alors la commission du 18 juin 1933 a été comparable à Jean. A Kofani na Yohane. Zoniba. Il sera loin pour le faire. Et lorsque cet Élie viendra, il sera un prophète. Il ne mâchera pas ses mots. Il connaîtra de tous côtés. Considérez la nature de Élie. Considérez Élie. Examinez ce qu'il est fait. Peut-être lorsqu'il est venu, il haïssait les terminations. Amen. Vous pharisiens, ne prétendez pas en vous-même. Nous avons Abraham pour vous. Car Dieu de ses pieds est capable de susciter les enfants d'Abraham. Pour dire que à Dieu rien n'est impossible. Vous pas dans un milieu que c'est pour Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Aie la foi et progresse. Élie a fait la même chose. Il a fait la même chose. Il a fait les femmes ou plutôt les femmes immorales. Les mauvaises choses. Considérez Élie avec Jézabel. Considérez Jean-Baptiste avec Hérodias. Vous voyez, tous les deux, c'était des hommes du désert. Ils aimaient la forêt et le plein air. Ils sortaient droit de la brousse et ils apportaient un message. L'un de ces jours, il viendra sur la terre. Amen. C'est pas facile de parler. Vous allez pour le dire à la rire pour, il ne répond pas à une délégation déjà, mais il parle à une église. Vous allez pour le dire à l'église, pour la famille américaine qui n'est pas si capable. L'un de ces jours, il viendra sur la scène. Oui. Et il se pourrait que ce ne soit pas la même personne. Et pour qui est-ce que vous allez dans la moto mon côté? Mais ce sera un message pour l'église. Le Saint-Esprit dans l'église. Pour ramener de nouveau cette foi à la foi originelle. C'est vrai. En effet, il ramènera le cœur des enfants au Père. Dites-moi de qui il s'agit. Fabriquer des mélanges. Voulons la parole fraîche. Confirmé par la solennité. Il dit la première fois. Il a ramené le cœur de père. Mais cette fois-ci, il ramènera le cœur des enfants. Voyez, il prend la foi que le père avait. Et il la place ici sur les enfants. La foi que le père, Philippe, Jean, André, Barthélemy, Paul, la foi qu'ils avaient là, l'Élie du dernier jour, prend cette foi-là et il la place ici sur les enfants. Est-il un de ces enfants-là? Ajuga fawane, a tomboli boye, a tiamoli kolona bango. A koti si fawana kati na bango. Bango pe bayambi bakomi kondima, pe la moko. Amen. Et alors les œuvres que les saints d'autrefois avaient faites sont aussi vôtres. Et vous ferez davantage. Il prend la foi que le père avait. Et il la place ici sur les enfants. Ceux qui allaient donc venir. Et cette fois-ci, il doit prendre cette même foi parce que les gens se sont éloignés de la foi originale. Et il ramènera la foi de père, la foi des enfants au père, le père de la Pentecôte. Acte 2 qui se répète. Acte 2 qui se répète. Que voyez-vous dans Acte 2? L'accomplissement de la promesse prophétique de Joël. Là dans Acte 2, il y a la résurrection de Jésus-Christ. Il est annoncé avec assurance. Toujours là dans Acte 2, il y a le baptême d'eau. Toujours là dans Acte 2, il y a la naissance de la première église de Dieu. Et la manière dont elle vivait la communion. Dans la doctrine des apôtres. Cela doit être restauré. Acte 2 qui se répète. Voulez-vous? Amen. Il dit, c'est juste un autre livre des actes. Amen. Acte N'avez-vous pas lu la biographie de William Branham? N'est-ce pas un autre livre des Actes des Apôtres? Alors, qui est cet Élie-là? Qui a accompli le deuxième volet de la mission prophétique de Malachie 4:5? Qui est-il? Vous devez savoir qui. Moi, je ne dis pas. J'ai ma réponse. Je la garde pour moi-même. Toi aussi, aie ta réponse. Il doit venir un de ces jours. Il viendra vraiment un de ces jours. Il viendra vraiment un de ces jours. Et il haïra les dénominations. Il cognera de tous côtés. Il va condamner les dénominations. Il réduit les dogmes. Et il rétablit la vérité. Que le Père de la Pentecôte traverse. Pour Ephésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ est en la prière. Jean-Baptiste était un messager, un envoyé. Il était un apôtre. Il était aussi un prophète. L'homme du 18 juin 1900. Était un apôtre, un prophète. Vous verrez davantage son apostolat. Que Dieu vous bénisse. Nous avons la vérité. Il y a plein de passages bibliques que je n'ai pas écrits. En accord avec cette affaire de père et des enfants. Ben, je pense que Dieu vous a donné la matière. Et vous allez continuer à creuser. Et manger comme mange les règles. Hein? Et faire du bruit joyeux pour les frères. Pousser des cris de joie. Dire Alléluia. Alléluia. Les cris de triomphe doivent se dégager de la maison de Dieu. Il faut pas que tu aies un pasteur qui vous visite. Les gens qui ont la vie. Tu vas donner la bonne nuit. Si toi entendrais. Alléluia! Il y a une église ici. Amen. Moto azambe pele lisusu. Mystique azambe sale lisusu. Hein? L'homme qui a la foi Branham dit c'est un mystique. Donc on a conduit madame moto avec comme ça pensa. Yo il faut la mystique. Yo frère il faut la mystique. Yo sœur il faut la mystique. On va la ganga bizarre ça la boite. Ça n'a pas mystique le moko. Tu dois être mystique. On va la pensa moto avec comme ça. La robi mystique. Un homme de foi. Zalaka bongo. Aussi qu'on nous faisons le bongo en public. Mais il faut que le bongo en public. Awa. Awa, ou yoga en direct. Hein? Kobenga ngome liberté. En direct. Na yébisyon go face à face. Amen. Oza ou fandi wana nana telemawa. To beti to lobi, zala mystique. Amen. Amen. Un homme de foi, une femme de foi. Merci pour mon Oyebi sekele et sika bo tout en attendant zambena yo. Et si que c'est celle où on est pelaka. Attends moi pour le mieux bani koya. Moi la tentation, ma pression, mon lit sou. Mais oyebi sika kotaka. Oyebi sika balukata wana. Pour la mort que ça fait la casa. Amen. Amen. Et tous les points sont la carne. Hein? Vous signez que dans le pays. Bunda bisumba ya kondima. Amen. Amen. Christe vainqueur. Amen. Que Dieu te bénisse les seigles de Dieu. Amen. Amen. Ah. Un bruit joyeux pour lui. Pour yo kabilo relate. Amen. Amen. Sala salate. Nous avons un Dieu vivant qui répond aux prières, qui confond les ennemis, qui disperse par cette dites encore, mon Dieu est capable. Mon Dieu est fort. Mon Dieu est tout-puissant. À lui, rien n'est impossible. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie pour la prière. Levons-nous pour la prière maintenant. Oh Dieu. Amen. Amen. Kolo abombani kai kolo je oh kolo je kolo je kolo je Thank you. Christ. Parle maintenant à ton père. Il est ton père qui est de le commencement. Et communie avec lui, parle-lui. Invoque-le. Montre-lui ton besoin. Parle. Dis-lui ton amour. encore pas en vain. Je ne bats pas de l'air. Je ne souffre pas en vain. C'est pourtant des humiliations et des affronts. Vivant la disette et l'abandon. Cela n'est pas pour rien. Il y a des récompenses. Il y a des couronnes. Réservées là-haut. Pour les racheter des seigneurs. Courage, mon frère! Courage, mon frère! Ne regarde pas derrière, regarde là-bas. Ce qui est passé est passé. Dieu te réserve de belles choses. Il agit encore, il fera encore des choses. Dieu parfait. Notre Père céleste. Toi, le Fils de Dieu. Dieu devenu homme. Toi, le Fils de l'homme. Dieu manifesté comme prophète. Toi qui avais envoyé Jean-Baptiste. Qui a envoyé un prophète encore. Plus qu'un prophète. Pardonne notre incrédulité. Pardonne notre négligence. Pardonne notre mondanité. Il y a un message glorieux. Il y a un plan merveilleux. Et nous devons travailler à ta gloire. Nous devons travailler dans ta gloire. Ramène chacun dans ta gloire. L'âme de tout péché, de toute souillure, de toute culpabilité. Maintenez-nous dans ta présence. Exauce nos prières. Relève le niveau de notre foi. Manifeste tes merveilles. Car nous serons Seigneur. Agis davantage. Brise le lien de l'incrédulité. Consomme nos adversaires. Tous nos ennemis, Père. Mets-les en fuite et les prisonniers. Manifeste-nous ta gloire. Manifeste-nous ta puissance. Ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Tu connais ce que chacun de nous vient de demander. Toi qui as fait l'oreille, tu n'es jamais sourd. Toi qui as fait les yeux, tu n'es jamais aveugle. Tu vois et tu entends. Tu exauces. Nous te prions de répondre à la prière de chacun. Et ta puissance de la Pentecôte qui a été restaurée à accompagne chaque fidèle. Garde de tout piège. Risque vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, brise les maladies, amen. Les afflictions, les symptômes, les douleurs, que tout s'enfuie. Amen. Donne la paix aux membres de nos corps. Amen. Sur les stands de la nuit, amen. Jésus-Christ de Nazareth, croyant tes promesses, amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse richement.